money on my mind, nigga. Hey, hey, hey, hey. Money on my mind, nigga. Hey, hey, hey, hey. Stupid, stupid, stupid, you stupid, stupid, stupid, stupid, you stupid, stupid, stupid, stupid, you stupid, stupid, stupid. Mes phases sont trop stupides, mes mots sont trop stupides, mon flow est trop stupide. Faut du stupide, je donne du stupide, je m'éclate que dans le stupide. Ne complète que dans stupide, ne vis que par le stupide. Je suis un mec stupide pour une stupide gueule. Mes phases sont trop stupides, mes mots sont trop stupides, mon flow est trop stupide. Faut du stupide, je donne du stupide, je m'éclate que dans le stupide. Ne complète que dans stupide, ne vis que par le stupide. Je suis un mec stupide pour une stupide gueule. Mon style est trop stupide, ma maille est trop stupide. Quand j'arrive dans la boîte, les meufs font ah, il est stupide. Ça vaut pour un stupide, état d'esprit trop stupide. Gros délire de gros stupide, car toutes nos danses sont stupides. J'adore vivre dans le stupide, le second degré et la force de toutes mes meurs stupides. Sur un beat stupide, me vénère dans stupide. J'expose ton boule fétide, en joue un coup une stupide. Stupide, t'es stupide, j'suis stupide sur le flow. Donc même si va pas me test, tu risques de saigner sur le flow. Car stupide veut bien dire mort, mon stupide veut pas dire polo. Stop, méfie-moi un effort. Les rapports de choses que du morose, ton pleura me donne des corps. Tellement je l'image déçu, fais pas partie du décor. T'auras sérieux et mal reçu, mal vu, mal vécu. Il est mal entretenu, aperçu par les crimes et dingues de ceux qui sont détenus. Mes phases sont trop stupides, mes mots sont trop stupides, mon flow est trop stupide. Faut du stupide, j'tends du stupide, je m'éclate dans le stupide. Me complète dans stupide, ne vis que par le stupide. J'suis un mec stupide pour le stupide gueule. Mes phases sont trop stupides, mes mots sont trop stupides, mon flow est trop stupide. Faut du stupide, j'tends du stupide, je m'éclate dans le stupide. Me complète dans stupide, ne vis que par le stupide. J'suis un mec stupide pour le stupide gueule. Stupide, forcément, stupide, carrément, stupide, oh, stupide, élément, trop prenant, électrisant, j'ai même peinté les prisons, flow bien trop galvanisant, mate-moi la télévision, chaque créole, auréole, tu ne connais d'un sacré bol, on serait